chante la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Mon frère, ma sœur, Dieu t'a donné le don de la libéralité pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'Église, pour soutenir les serviteurs, les servants de Dieu. Continue à le faire parce que le Seigneur va te bénir. Ne regarde pas aux circonstances. Oui, cela peut durer. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien parce que nous moissonnerons au temps convenable. C'est vrai que tu vis des moments d'épreuve, mais j'aimerais te dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu as dépensé pour l'œuvre de Dieu, tu vas recueillir, Dieu va te bénir. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5, 1 à 7. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est Éphésiens 5, 1 à 7. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-les, bien aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités qui vont nous soutenir, qui vont inspirer nos prières d'aujourd'hui. Voici la première vérité. Nous devons imiter Dieu et suivre l'exemple de Jésus-Christ. Lorsque tu dis que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu dois ressembler à ton Père, à Dieu. Tu dois marcher selon cet adage qui dit « tel père, tel fils ». Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne ressemblent pas à Dieu. Ce n'est pas une ressemblance physique, mais c'est surtout une ressemblance morale. C'est-à-dire dans notre comportement, il faudrait que nous puissions ressembler à Dieu et nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est lui notre modèle, c'est lui notre standard. Je vais parler à quelqu'un. Pourquoi te laisses-tu toujours troubler par ce que les pasteurs font? Tu dis non, pourquoi les pasteurs, si les pasteurs font ça, moi aussi je peux faire. Non, ton exemple d'abord, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur, c'est un homme. Est-ce que tu comprends? Mais ton premier exemple, c'est Jésus-Christ. Vous voyez ce que dit le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. C'est-à-dire ici, l'exemple que nous devons suivre, c'est surtout l'exemple de l'amour divin. Nous avons aujourd'hui beaucoup de méchanceté dans nos églises. Il n'y a plus d'amour. On ne voit plus de la méchanceté, la médisance, la calomnie. Suivons l'exemple de Dieu. La Bible nous dit que Dieu nous a aimés. Et Jésus-Christ lui-même, on dit, il nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Vous voyez, quelqu'un qui aime, il se sacrifie. Aujourd'hui, nous vivons de plus en plus l'égoïsme. Les gens ne sont plus prêts à se sacrifier. Avant que les gens s'engagent dans quelque chose, ils se demandent, qu'est-ce que moi je gagne dans cela? Vous voyez, est-ce que Jésus s'est posé cette question, qu'est-ce que moi je gagne en mourant sur la croix pour l'humanité. Il s'est sacrifié pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. C'est ça l'amour, un amour qui se sacrifie. Je vais parler à une femme de pasteur, écoute-moi bien. Ces derniers temps, vous vivez des moments d'épreuve au point où tu commences à dire à ton mari, « Vraiment, je ne vois pas pourquoi on sert le Seigneur. Tu aurais dû être un comptable, tu aurais dû être, je ne sais pas, un homme politique. » Écoute-moi, femme du pasteur, ton mari a choisi de servir le Seigneur. C'est une vie de sacrifice. N'empêche pas ton mari à servir le Seigneur. Au contraire, tu dois l'encourager. C'est une grâce et une bénédiction. Deuxième vérité. En tant que chrétien, il y a des comportements que nous devrons bannir. Il y a toute une liste ici. Il y a l'impudicité. Le fait d'avoir des relations sexuelles hors du mariage ou bien avant d'être marié. Surtout les jeunes. Je vais parler à vous, jeunes. Regarde bien, toi tu suis OSB. Mais comment se fait-il que tu livres ton corps aux jeunes garçons? Comment se fait-il que vous êtes frères et sœurs? L'église n'est pas un lieu où on va pour chercher les hommes et les femmes et sortir. Non! Lorsque quelqu'un te dit qu'il veut t'épouser, il faut lui demander d'attendre jusqu'au jour du mariage. L'impudicité s'accroît de plus en plus, même dans nos milieux chrétiens. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Autre chose que nous devons bannir, c'est l'impureté. Vous voyez l'impudicité, tout ce qui est impur, qui souille notre vie chrétienne, qui souille notre corps, qui souille notre esprit, même sur le plan de nos pensées. Toutes sortes d'impuretés. Il y a la cupidité. Il y a les paroles déshonnêtes, des propos insensés, des plaisanteries déplacées. Souvent dans les milieux chrétiens, il y a des gens, lorsqu'ils parlent, ils prononcent des plaisanteries qu'un chrétien ne peut pas prononcer. Même lorsqu'on plaisante, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, hein, mon ami. Comment est-ce que tu peux dire à une femme mariée que non, en tout cas, ton mari là, il ne vaut rien, c'est moi qui devrais t'épouser. De tels propos, un chrétien ne peut pas le faire. Tu dragues une femme mariée et puis tu vas dire non, je plaisante. Non, on ne peut pas plaisanter de cette manière-là. Il y a des fidèles qui parlent à leur pasteur. Il y a ceux qui utilisent souvent le terme « Daddy ».« Daddy, qu'est-ce que tu vas me donner à mon anniversaire ?»« Daddy, quel jour tu viendras chez moi ?»« Je vais t'accompagner. On va aller manger dans un restaurant, nous dit Daddy. Pourquoi tu ne m'appelles pas ?» Alors que tu connais que bien Daddy est marié. Pourquoi de telles paroles tu parles seulement à Daddy quand sa femme n'est pas là ? C'est suspect. Tu parles, tu fais des plaisanteries déplacées, des propos qui ne glorifient pas le Seigneur. Même dans nos réunions, quand on se réunit au niveau des conseils de l'église, au niveau, je ne sais pas, des réunions des jeunes, il y a des propos qu'on ne peut pas dire quand on est chrétien. Il y a des gens qui entretiennent des langages de xénophobie, des langages d'exclusion, des langages de tribalisme dans l'église. Écoutez ce que la Bible dit ici. Au verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. C'est-à-dire, lorsque tu es chrétien, quand quelqu'un te visite, quand quelqu'un est en contact avec toi, il doit être poussé à adorer, à louer le Seigneur. Mais ce ne doit pas être... Il y a des gens, lorsque quelqu'un te contacte, tout le temps, vous ne faites que parler des autres. De critiquer les autres parce que vous êtes aigri. Non. Troisième vérité. Faisons attention à la séduction. Parce qu'il y a des gens qui séduisent les chrétiens par des vains discours. Ici, il est dit, au verset 6, que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Les vains discours, c'est surtout au niveau des prédicateurs, des gens qui enseignent la parole de Dieu. Il y a des gens qui peuvent bien prononcer des choses attrayantes, mais qui n'ont rien à voir avec la Bible. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont attirés par ces choses. Quelqu'un peut te dire, oui, si tu me suis, moi je suis capable de te faire voyager. Moi je suis capable de débloquer ta situation du mariage, ça fait longtemps. De vains discours, moi je suis capable, moi je suis différent des autres. Mais, les prédications qui montrent aux gens qu'ils doivent se repentir. Les gens n'aiment plus ça. Les gens sont séduits par ces discours-là. sont de vains discours. Les discours qui disent non, les péchés deviennent dépassés, il ne faut pas mettre mal à l'aise avec les péchés, c'est l'élévation, nous avons besoin de l'élévation, nous avons besoin d'entrer dans la gloire. Ça, ce sont les discours que les gens aiment aujourd'hui. Mais nous devons être équilibrés. Un chrétien peut être béni, c'est vrai. Mais l'équilibre veut que les chrétiens, tout en acceptant que Dieu le bénisse, mais ne vit pas délibérément dans les péchés. Il faut qu'on voit une transformation dans sa vie, dans sa conduite de tous les jours. Et puis un chrétien aussi qui est équilibré, il sait que quand bien même Dieu bénit, Dieu élève, il peut aussi vivre des moments d'épreuve. Mais il y a d'aujourd'hui des gens qui disent « Non, moi je ne peux jamais souffrir. Arrêtez de souffrir. Un chrétien ne peut pas souffrir. » Alors que Jésus lui-même, il a aussi souffert avant d'entrer dans la gloire. Alors vous voyez, il y a des gens qui sont séduits par de tels discours. Alors ici, l'apôtre Paul parle aux Éphésiens et à nous aujourd'hui, dit « Que personne ne vous séduise par de vains discours. » Je vais parler à quelqu'un qui m'entend. Écoute-moi bien. Tu es né dans l'église, tu étais instruit depuis l'école de dimanche, tu as suivi des cours bibliques, des études bibliques. D'où vient qu'aujourd'hui tu abandonnes les études bibliques, tu es attiré par des ministères, on parle de miracles, tu t'en vas de veiller en veiller, tu n'arrives même plus à méditer toi-même la Bible parce que tu es emporté par des prophéties. Une prophétie, c'est bien, mais il faut que tu sois en mesure toi-même de vérifier si la prophétie est biblique. Il y a des prophéties qui contredisent même la parole de Dieu. Vous voyez, ce sont des telles paroles qui séduisent. Je vais parler à une femme. Tu es parti voir un prophète qui t'a révélé que le mari avec lequel tu es là, ton mari, on vous a béni, légalement vous êtes mariés. Il t'a révélé que non, ce n'est pas l'homme de ta vie. Et tu es prêt à quitter. J'aimerais t'avertir que si tu fais cela, tu es en train de prendre une décision très grave que tu vas regretter. C'est une séduction. Tu es sur le chemin de l'égarement. Reviens dans la maison du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide pour que nous puissions marcher comme Christ et que nous puissions éviter d'être séduits. Nous allons le louer ce matin en chantant ce cantique. Tu es Dieu, des dieux merveilleux, parce que tu es. Au Seigneur, élevons nos voix, disons-lui merci. Merci pour l'amour dont tu nous as aimés en Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur. Bénissons, ô Éternel, notre Dieu, notre Père, pour cette journée agréable que tu nous accordes. Merci de nous conduire durant toute cette journée. Merci de ce que, malgré tout ce que le diable peut utiliser pour susciter la division, détruire l'Église, tu es celui qui protège nos ministères. Oh, sois magnifié de ce que tu gardes ton peuple qui a les yeux fixés sur toi. Nous t'élevons, ô notre Dieu, notre Père, toi le Dieu qui élève et qui abaisse. Tu es celui qui nous garde et qui nous protège. Tu nous préserves des murmures et de l'hypocrisie. Tu nous gardes de tout ce que l'ennemi peut susciter autour de nous pour chercher à nous distraire ou à nous déstabiliser. Tu es celui qui nous protège, notre Père, notre Seigneur. C'est pourquoi nous t'élevons en ce moment. Nous te glorifions, ô Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, toi qui nous préserves de la convoitise. Seigneur, nous voyons combien l'ennemi suscite au milieu de l'Église des gens qui convoitent et qui veulent détruire les autres à cause de la convoitise. Nous voulons, Seigneur, réellement te prier en sorte que nous ne soyons pas du nombre. Nous voulons t'élever dans nos vies. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter, toi, notre Père et notre Seigneur, toi, notre soutien, toi, le Dieu qui nous conduit à cause de ton nom. On reçoit l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, qui est une émission de prière. Nous prions chaque matin à 5 heures pendant une demi-heure. Et cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquenzi.com. Notre passage du jour, c'est Éphésiens chapitre 5, 1 à 7. Nous venons de voir que nous devons être des imitateurs de Dieu et suivre l'exemple de Jésus. Chacun va s'examiner. Est-ce que dans ton comportement, est-ce que tu es un imitateur de Dieu? Est-ce que tu peux dire que tu aimes les autres? Prions le Seigneur pour qu'il nous donne cet amour, un amour sacrificiel, un amour qui pardonne, un amour qui se sacrifie pour les autres. Prions le Seigneur au nom de Jésus. La force dans la prière. Éternel Dieu, ce matin, je te rends grâce et je te glorifie. Je te dis merci, ô Père éternel, pour tous tes bienfaits. Je te dis merci, ô Père éternel, pour les grandes délivrances opérées dans ma vie et dans notre vie en général. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Ce matin, ô Père éternel, je chante un cantique en ton nom, car tu m'as fait du bien. Je prie, ô Père éternel, et je demande que cet amour que tu as manifesté à mon égard et à l'égard de l'humanité, que cela puisse être manifesté également dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que tout obstacle à la manifestation de ton amour envers les prochains soit ôté au nom de Jésus-Christ. Je prie au Père éternel et je déclare que ton amour se manifeste réellement dans ma vie, que ta paix se manifeste réellement dans ma vie, afin que je puisse l'exprimer, afin que je puisse le communiquer également aux autres. Je prie dans le nom de Jésus et je déclare que tout obstacle à la manifestation de cet amour est ôté au nom de Jésus-Christ, que tout obstacle à la manifestation de la paix soit ôté au nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce pour tous tes hauts faits. Et je prie également pour ma sœur qui m'écoute en ce moment. Je prie pour mon frère qui m'écoute en ce moment. Et je déclare la manifestation du véritable amour dans sa vie et dans la vie des autres. Que l'amour dans sa vie déborde et puisse toucher les autres, affecter positivement les autres, contribuant ainsi à l'avancement de ton œuvre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à bannir des comportements qui ne sont pas chrétiens. L'impudicité, l'impureté, la cupidité, les paroles désonnées, les propos insensés. Mon frère, demande pardon, Seigneur. Demande de purifier ta langue parce que tu dis n'importe quoi. Toi qui retombes dans l'impudicité, ça fait plusieurs fois que tu es retombé avec la même fille. Prie pour que Dieu te délivre. Toi jeune, regarde bien, ces derniers temps, tu t'en vas dans les boîtes de nuit, tu commences à boire, à t'enivrer. Prie pour que Dieu te délivre de cette vie que tu mènes. Elle n'est pas bonne, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Chacun va prier le Seigneur pour que Dieu le libère de toutes ces choses-là et qu'il mène une vie chrétienne qui glorifie le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci. Te dire merci parce que ta parole est la vérité. Elle est la lumière. Elle éclaire. Elle enseigne. Elle purifie. Elle révèle des choses cachées. À toi la gloire, l'honneur, la puissance parce que notre corps est le temple de ton esprit. Seigneur, merci et tu nous encourages ce matin. Tu nous exhortes. Tu nous demandes de vivre dans la sanctification, de ne pas pratiquer l'adultère, l'impudicité, la fornication. Notre Dieu, notre Père, et beaucoup d'entre nous, nous vivons cet état. Mais que pouvons-nous faire? C'est vers toi. L'Église est remplie de beaucoup de fornicateurs. L'Église est remplie de beaucoup d'impudiques. L'Église est remplie de beaucoup d'adultères. Mais nous te prions ce matin, notre Dieu, notre Père, que ton esprit agisse dans nos vies, que la grâce de Dieu surabonde dans notre vie. Seigneur, aie pitié de nous. Merci parce que tu es le seul qui peut nous purifier par le sang de Jésus, par l'action de ton esprit, par le pouvoir de ta parole. Aide-nous à nous repentir, à changer notre Dieu, notre manière de vivre. Gloire, honneur et puissance à toi, parce que le pardon se trouve près de toi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons faire attention à la séduction. Il y a beaucoup de discoureurs aujourd'hui, de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux docteurs qui séduisent les gens par leur discours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour combattre cet esprit de séduction, cet esprit de fausse doctrine qui égare l'Église, qui égare les chrétiens. Et prions pour que chacun de nous, chaque chrétien soit éveillé, qu'il ne soit plus emporté par tout vent de doctrine, qu'il soit affermi dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous donnes par ton esprit de pouvoir détecter les méchants, les faux prophètes, les faux enseignants, les faux docteurs. Père, je prie que tu donnes véritablement le discernement aujourd'hui à ton peuple de pouvoir renoncer et ne pas participer aux œuvres et des programmes de ces faux prophètes. Aide-nous, Père, aide-nous, Seigneur, à dire la vérité. Aide-nous, Seigneur, à sortir du joug de ces faux prophètes. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir, ô Dieu, rechercher la vérité, la véritable vérité qui vient de ta parole. Donne-nous, en tant que chrétiens, en tant que leaders, en tant que frères en Christ, de méditer la parole, de lire surtout la parole, de connaître la parole et de renoncer au programme et aux méchancetés de ceux qui sont venus détourner le peuple de Dieu. Nous te bénissons et nous te glorifions pour ta bonne main qui conduit quelqu'un aujourd'hui, pour ta grâce qui localise quelqu'un pour la bénir dans son activité aujourd'hui. Merci pour ton sang qui nous couvre aujourd'hui. Merci pour tous nos pas que tu gardes, nous savons que tu vas encore faire des grandes choses. C'est pour cela, ce matin, nous te retournons toute la gloire, parce que tu es fidèle et tu le feras au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que dimanche 22 novembre, qui arrive ici, nous aurons notre rencontre bonheur conjugal qui est réservée aux couples mariés. Notre thème, c'est la communication dans le couple. Nous allons poursuivre donc ce thème qui sera suivi d'un atelier. Donc, nous invitons tous les couples mariés à venir au CPE, dans la même cour que la radio Fréquente Vie. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain.